pouvoir. Ou le double est capable d'exercer sa volonté si l'homme est plus ou moins sensible à son énergie. C'est normal. Ça fait partie de la conscientisation. Mais viendra un jour dans la vie d'un certain nombre parmi vous où vous devrez être capable d'être conscient dans votre intelligence de l'inévitabilité de votre intelligence, autrement dit, de voir qu'à travers la manipulation du double sur votre être, il y a une intention, mais que cette intention ne doit jamais bouleverser en vous ce que vous, en tant qu'être, de plus en plus intelligent, de plus en plus vibrant, autrement dit, de plus en plus perfectionné dans le mental, que vous sachiez si ça va dans cette direction-là ou dans cette direction-là. Autrement dit, l'homme de demain ne peut pas se laisser influencer ni par les forces planétaires, ni par les forces cosmiques. Comment voulez-vous que l'homme devienne ce qu'il doit devenir s'il est influencé? S'il est influencé par les forces planétaires, c'est un moindre mal, parce que c'est un mal de l'involution. Mais s'il est influencé par des forces cosmiques, c'est un mal qui est beaucoup plus grave, parce qu'il y va de la réalisation chez lui d'un psychisme, d'une sensibilité, d'une extrasensorialité, de certaines facultés. Et si lui n'a pas la capacité en tant qu'homme de trancher le pouvoir vibratoire du double contre lui, sur lui, dans sa vie matérielle, il n'aura jamais le pouvoir d'utiliser l'énergie du double dans les terres et sur la terre. Donc, il sera un être dominé par les forces cosmiques. Donc, réalisez donc une fois pour toutes que lorsque nous parlons de conscience planétaire ou que nous parlons de conscience cosmique, que la conscience cosmique vient après la conscience planétaire, mais que la conscience cosmique n'est pas finalitaire. La conscience cosmique n'est pas finalitaire. Que la conscience cosmique n'est que l'autre partie de la polarité de l'homme de demain. Partie qui doit être synthétisée afin que l'homme de demain puisse se servir des forces en lui et les transmuter, leur donner une direction quelconque selon le perfectionnement de ses corps subtils, autrement dit, selon l'ajustement de ses corps subtils, autrement dit, selon le potentiel de son intelligence. Parce qu'en fait, de l'intelligence, c'est quoi? C'est le pouvoir d'ajustement que nous avons vécu au cours des années de l'initiation. Plus les corps sont ajustés, plus il y a de l'intelligence. Donc, ce n'est pas à l'homme de s'occuper de l'intelligence. C'est à l'homme de bien comprendre sa relation avec les forces qui ajustent ses corps subtils pour qu'il prenne avec le temps un plus grand pouvoir sur ses forces afin que l'intelligence, qui est le produit de cet perfectionnement, devienne un outil pour lui et non un outil pour les forces cosmiques dans l'homme. Et dans les annales de l'humanité, dans les annales spirituelles ou philosophiques de l'humanité, on a toujours placé l'homme soit sur la terre ou on a placé l'homme dans un envolé quelconque vers les nues. L'homme est soit positionné dans la matière et épris de la matière, ou il est dans les nues et épris dans les nues. Et on n'avait jamais fait réaliser à l'homme qu'il doit partir de la matière, monter dans les nues et revenir dans la matière. À la fois dénué de la matière et à la fois dénué des nus. Libre des deux, autrement dit, ayant fait la synthèse du planétaire et du cosmique, du petit moi et du grand moi. Et c'est là que l'homme devient inévitablement intelligent, c'est-à-dire que c'est là que l'homme commence à vivre sa vie, sur le plan matériel ou sur d'autres plans, en fonction de la perfection ou du perfectionnement de ses corps subtils. Et c'est là que la vie devient, à travers lui, une force créative. Alors, selon des individus selon la masse, selon les humanités de l'avenir, selon les groupes humains rassemblés dans cette conscience, la civilisation sera plus ou moins grande parce que les hommes auront plus ou moins la capacité de synthétiser l'universel, le cosmique avec le planétaire. Sinon, les hommes vivront, surtout après la fin du cycle, vivront une sorte d'accélération spirituelle où le gros de la population terrestre sera raffermi dans une spiritualité écrasante, et c'est justement ce qui va se produire. Donc, on dira après la fin du cycle que l'humanité est rendue spirituelle. D'ailleurs, ça a déjà été annoncé par les psychiques, par les gens qui ont une certaine sensibilité. L'humanité aura été conquise après les grands événements par une très, très grande spiritualité. L'homme serait très spirituel après la fin du cycle. Et c'est pourquoi ça prendra un autre cycle pour la détruire, pour que l'homme devienne esprit. Mais à l'intérieur de ce groupement mondial qui aura atteint un très haut niveau de spiritualité, il y aura un certain nombre d'hommes qui probablement seront issus du contact quelque part dans le monde avec mon instruction ou d'autres personnes qui pourront s'élever au-dessus de cette spiritualité, de cette masse spirituelle, se retirer complètement de cette masse spirituelle pour travailler avec l'œil, avec les forces qui viennent d'autres parties de la galaxie. Donc, la position de l'homme sur la Terre, la position de l'homme nouveau, c'est une position de désintoxication totale. C'est une position où l'individu en tant qu'être réalise dans son expérience que toutes les facettes de sa mémoire, qu'elles soient subliminales ou purement psychologiques, doivent être effacées, parce que c'est dans l'effacement de la mémoire planétaire ou cosmique que l'homme deviendra interplanétaire. Autrement dit, que l'homme aura la capacité naturelle de transiger avec d'autres hommes qui font partie de la population ou des populations de la galaxie. Si je vous parle d'une évolution éventuelle de l'homme dans ce cadre, c'est pour vous faire réaliser aujourd'hui que votre expérience doit être réellement vécue en fonction d'une plus grande intégration de vous-même, c'est-à-dire une intégration qui permet votre moi et votre grand moi d'être synthétisé pour que vous puissiez vivre le vide mental. Parce que c'est dans le vide mental que l'homme découvre, non pas sa réalité, mais la réalité. La réalité, elle existe dans le vide mental. Naturellement, si vous changez de clan, la réalité n'est pas vide. Mais si vous la vivez, la réalité, dans le corps physique, c'est dans le corps, dans le vide mental qu'elle se situe. Et c'est là que l'homme puise son intelligence, nulle part ailleurs. Il ne peut pas la puiser dans une mémoire quelconque, puisque c'est lui qui crée la réalité. Et c'est cette partie que je veux commencer à parler. L'homme découvrira dans les siècles qui viennent que ce sont les hommes qui créent la réalité, que la réalité n'est pas créée par l'esprit. Il y a dans le cosmos des hommes très évolués qui créent la réalité. Et que la réalité n'est pas créée par l'esprit, parce que l'esprit, c'est une forme d'énergie. Et que l'esprit existe en dehors du temps. Et que la réalité se crée dans le temps. Donc, pour que la réalité existe, il faut qu'il y ait une matière quelconque, il faut qu'il y ait création, il faut qu'il y ait forme, il faut qu'il y ait mouvement. Et ces hommes qui créent la réalité dans le cosmos sont une fusion de l'esprit avec leur matière. Et un jour, l'homme découvrira que les systèmes planétaires, les galaxies, tout ce qui existe de matériel a été agencé par des hommes, mais créé au niveau de la forme par des esprits. Ce sont des hommes dont la science avancée a permis la création dans le cosmos de ce que nous considérons astronomiquement les systèmes sidéraux. Ce ne sont pas des esprits. Et demandez-vous dans votre tête si j'ai raison et vous verrez qu'on vous dira que j'ai raison. Ce ne sont pas des esprits qui ont créé les mondes matériaux, ce sont des hommes. Et la raison pour laquelle il nous est difficile de concevoir que ce sont des hommes qui ont créé ces systèmes, c'est parce qu'il nous est impossible aujourd'hui de réaliser que des hommes fusionnés de longtemps ont la capacité de manipuler l'énergie. Donc, ils ont la capacité de rendre à la forme sa densité. Et ce sont ces hommes qui ont rendu à la forme sa densité qui ont créé les systèmes. Et je les ai déjà appelés les frères. Et l'homme retournera à ses êtres, retournera à ses frères, parce qu'il fait partie d'eux. Mais pour que l'homme retourne à ses êtres, il faut qu'il soit capable de faire la synthèse du planétaire et du cosmique, autrement dit, de renverser la polarité de la petite mémoire et de la grande mémoire, de renverser la polarité du petit jeu et du grand jeu, parce qu'à ce moment-là, lorsqu'il renverse la polarité qui donne à sa conscience son importance psychologique, il est capable de déjouer tout ce qui est astral et tout ce qui est de la mémoire de l'humanité pour entrer dans la conversation même avec les intelligents qui sont ultimement les êtres qui ont créé les systèmes sidéraux que nous connaissons. Mais nous avons toujours tendance à quantifier la création. Donc, comme nous avons tendance à quantifier la création, nous avons tendance à penser à la création en termes de masse, en termes de volume. Nous allons regarder la Terre et nous pensons à la Terre en termes de masse. Nous ne devons pas penser à la Terre en termes de masse. Nous devons penser à la Terre en termes d'énergie, en termes de forme condensée avec le temps. Et c'est la condensation de cette forme dans le temps qui a permis à la Terre d'être la masse qu'elle est. Mais le travail a été fait déjà par des êtres qui étaient à la fois dans la matière et dans l'esprit. Mais une matière très différente de la nôtre. L'homme vit dans ce que nous pouvons appeler une dimension matérielle. Il y a des hommes qui vivent dans des dimensions immatérielles. Donc, les hommes qui vivent dans les dimensions immatérielles n'ont pas le problème de la matérialité. Et comme ils n'ont pas le problème de la matérialité, ils n'ont pas le problème de l'espace. Et c'est le fait qu'ils n'ont pas le problème de l'espace qui leur permet de créer dans le monde de la matérialité, dans le monde de l'espace, des objets qu'on appelle des globes, de très grande envergure et de très grande organisation mécanique. Et ce sont ces hommes que vous appelez des extraterrestres. Quand je parle de l'inévitabilité de l'intelligence, j'essaie de faire comprendre que l'homme, qu'il soit de la Terre ou qu'il soit d'une autre planète, que l'homme a la capacité de s'interroger ou d'interroger les conventions de la mémoire cosmique ou les conventions de la mémoire planétaire. Et c'est lorsqu'il est capable d'interroger les conventions de la mémoire cosmique ou les conventions de la mémoire planétaire qu'il est capable de se sortir, de se libérer des formes créées par ces mémoires qui l'encapsulent et qui lui empêchent d'être dans l'intelligence, autrement dit d'être créateur, autrement dit, de créer les conditions qui font partie de l'énergie qui passe dans ces corps subtils. C'est évident que l'homme qui vit l'inévitabilité de l'intelligence la vit progressivement, parce que vivre l'inévitabilité de l'intelligence lorsque l'ego n'est pas ajusté créerait automatiquement un doute absolu. Pourquoi? Parce que le doute absolu fait partie déjà de la conception de l'absolu qui existe dans le mental humain. Donc, l'homme est déjà prisonnier d'une quantité qui fait déjà partie de sa conceptualisation, qui fait déjà partie du désordre créé dans son esprit par le manque de perfectionnement de ses corps subtils. Donc, il est incapable de déchirer le voile de la réalité et de comprendre les mystères de la création. Donc, il est obligé d'accepter théologiquement ou cosmogonétiquement des théories visant à lui donner une vue de la création qu'il dégrade et qui lui empêche de réaliser qu'en fait, l'homme de demain est un créateur qui a la même puissance, la même valeur hiérarchique que tout ce que nous connaissons dans la hiérarchie. Donc, c'est à partir de ce moment-là que la hiérarchie existe. La hiérarchie, lorsque nous parlons de la hiérarchie, nous ne parlons pas de la hiérarchie des êtres spirituels, des forces spirituelles ou des forces de lumière. Nous parlons de la hiérarchie des êtres qui sont matière et lumière en même temps. Dans la lumière, il n'existe pas de hiérarchie. Et dans le monde de la forme, il n'y a pas de hiérarchie. La hiérarchie commence où la matière et la lumière se rencontrent. Donc, l'homme demain, au cours des évolutions qui viennent, fera partie de la hiérarchie, comme déjà il y a des hommes qui font partie de la hiérarchie, et ce sont les gouvernements invisibles de la galaxie. Alors, l'inévitabilité de l'intelligence, le processus inévitable de l'intelligence, est un processus inévitable de l'évolution, effectivement, va peser, va apporter sur les épaules de l'homme qui entre dans cette évolution un très grand poids. Et c'est le poids absolu, c'est le poids de l'absolu, c'est le poids que doit vivre l'homme pour déchirer les voiles des mystères et faire la synthèse du cosmique et du planétaire. Si là, l'homme ne sera jamais capable de comprendre les mystères de la création, il ne sera jamais capable de travailler avec ceux qui ont composé les différentes étapes de l'évolution matérielle, biologique, du monde que nous connaissons et des mondes que nous ne connaissons pas. Nous avons peur de oser savoir parce que nous avons peur de oser parler, parce que nous avons peur d'être interprétés, parce que nous avons peur de ne pas être perçus comme nous pouvons ou nous voulons le dire. Donc, nous avons peur de la réflexion des autres. Donc, nous avons peur de ce que les autres pensent. Donc, nous avons peur de parler. Donc, le cercle se ferme, nous ne parlons plus. Donc, l'homme aujourd'hui sur la Terre est silencieux. Et comme il est silencieux, il ne sait rien. Et si vous regardez ce phénomène à l'échelle de l'homme, dans le cadre de vos activités très normales de tous les jours, dans le bureau, dans la maison, la famille, les professeurs, l'école, le système, ainsi de suite. Vous verrez que vous avez peur de parler. Ceci ne veut pas dire que vous devez parler, mais ceci doit dire que vous devez un jour ne pas avoir peur et de contrôler ce que vous avez à dire selon la condition, selon la possibilité d'écoute que vous avez. Il est évident que vous n'avez pas à parler à des gens qui ne peuvent pas vous comprendre, mais il est évident aussi que vous devez en arriver un jour à ne plus avoir peur de parler si vous avez à parler. Et pour ne pas avoir peur de parler, il faut être dans l'inévitabilité de l'intelligence. Et à ce moment-là, il est évident que vous créerez des chocs, mais aussi il est évident que vous accélérerez l'évolution de l'homme. Parce que l'énergie de l'intelligence ne peut pas être refusée trop longtemps par l'homme. Parce qu'elle n'est pas de l'ego. Elle est créative. Et tout ce qui est créatif transmute ce qui est planétaire et cosmique, donc ça crée une synthèse, petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est ce que je fais avec vous depuis que je vous connais. Je crée la synthèse, je vous amène petit à petit à faire la synthèse du planétaire et du cosmique, je vous amène petit à petit à avaler des choses qui ne s'avalent pas. Et dans le phénomène d'avaler des choses qui ne s'avalent pas, vous apprenez à avaler ce que vous savez. Éventuellement. Et quand vous avez bien avalé ce que vous savez, mais vous perdez la mémoire. Et quand vous aurez tout perdu votre mémoire, à ce moment-là, ce sera à vous de parler, de faire avaler d'autres choses à d'autres qui doivent avaler ce qu'ils ont déjà comme mémoire. Ça continue? Alors, le phénomène de l'inévitabilité de l'intelligence, c'est le phénomène le plus occulte de l'intelligence, c'est le phénomène le plus puissant de l'intelligence, c'est le phénomène le plus éternel de l'intelligence, et c'est le phénomène qui permettra à l'homme de traverser les murs de la matière pour rencontrer ceux qui sont dans les mondes invisibles de la matière, ceux qui font partie de la hiérarchie, ceux qui créent. Mais si l'homme n'est pas capable de réaliser sa propre conscience, sa propre intelligence, si l'homme n'est pas capable de réaliser l'inévitabilité de l'intelligence, il est évident que s'il rencontre des êtres comme ça, il fera de ces êtres des dieux, donc il créera une nouvelle forme de religion, donc il sera encore plus abruti qu'il a été au cours de l'évolution. Et l'inévitabilité de ce processus mènera à la magie noire, parce qu'à ce moment-là, les pouvoirs seront déjà descendus dans la matière. Donc un nouveau cycle sera nécessaire pour que l'homme encore épure sa conscience, pour que l'homme encore soit capable de réaliser les illusions extraordinaires qui ont créé l'homme dans son mental, pour qu'il en arrive un jour à être esprit, pour que l'homme soit un jour esprit, l'homme-esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire l'homme-esprit? Ça veut dire l'homme qui a la capacité d'être à la fois sur un plan ou sur un autre. À ce moment-là, l'évolution de la Terre sera faite et il y aura un autre ordre dans le cosmos. Donc, la position de l'homme à la fin du 20e siècle est une position extrêmement sérieuse, extrêmement grande, extrêmement subtile, extrêmement solitaire, seul. L'homme est seul devant l'exigence de l'évolution et devant l'exigence de l'énergie du double sur ses corps subtils. L'homme, il est seul. Jamais l'homme de demain n'aura le support de l'homme extérieur à lui-même. Il devra lui-même battre son propre blé pour en récolter ce dont il a besoin pour se créer une nouvelle nourriture, qui sera la nourriture de son intelligence, qui sera la matière avec laquelle il travaillera et créera les nouvelles conditions de la civilisation. Autrement dit, l'homme à la fin du 20e siècle fait face à la plus grande réorganisation psychologique que l'humanité n'a jamais connue, l'homme aujourd'hui fait face à la mutation. Et la mutation, elle est totale parce que elle fait partie des grandes forces qui viennent vers la Terre et qui doivent transmuter l'homme afin qu'il devienne perfectionné à un tel point qu'il puisse un jour, de par sa pensée, créer des conditions synonymes ou parallèles à celles qui ont été créées par d'autres êtres qui, par la pensée, ont créé les systèmes solaires. Alors, il ne s'agit pas pour l'homme de se penser petit ou de dire « Merde, ça va prendre du temps avant que ça arrive. » Ceci est encore une autre illusion. Ceci est encore une autre impression implantée dans le corps astral et le corps mental de l'homme pour ralentir son évolution par les forces archaïques. Les forces archaïques retardent toujours l'évolution de l'homme, surtout aujourd'hui parce qu'elles savent qu'il y a sur la Terre des forces qui leur sont opposées. Donc, il est évident que plus l'homme avancera dans l'inévitabilité de l'intelligence, il sera forcé inévitablement de réajuster sa conscience. Donc, il sera forcé inévitablement d'assumer sur ses propres épaules, de par lui-même, des conditions de savoir qui automatiquement l'exorcisent des formes imposées ou implantées dans son psychisme par les forces archaïques qui aujourd'hui contrôlent à un très haut niveau l'évolution de l'humanité. Autant il a été parlé dans le passé de l'évolution de l'homme, de la venue du surhomme, de la descente de la conscience supramentale sur la Terre, autant il a été parlé de toutes ces choses d'une façon extraordinaire, formidable, très bien, ainsi de suite. Autant il a été parlé, autant rien n'est su. Autant rien n'est su, parce que ce qui sera su de cette précognition fait partie de l'expérience de l'individu, de l'homme, du mortel fusionné. Donc, rien n'est su. Qui peut parler de votre expérience, de votre expérience, de votre expérience, de votre expérience, de votre expérience, individuellement? Aucun homme. votre expérience fait partie de votre expérience et ne fait pas partie d'une catégorie universelle qui exige l'évolution ou qui prophétise l'évolution ou qui préconise l'évolution. Donc, ce qui a été écrit sur l'évolution par les grands maîtres du passé n'est absolument pas connu. Seul l'homme, dans sa conscience intégrale, dans sa conscience individualisée, dans sa conscience personnelle, à l'extérieur de son ego et à l'intérieur du vide de son ego, comprendra, réalisera, saura ce qu'est l'évolution du surhomme, connaîtra la réalité de l'homme nouveau, réalisera le perfectionnement du surhomme et la capacité universelle du surhomme. C'est pour ça que je vous mets face à l'inévitabilité de votre intelligence. Et que je vous fais réaliser que là en vous où il y a objection à l'inévitable, là en vous où il y a objection à des pensées puissantes qui troublent l'esprit humain, là en vous il y a un travail où la mémoire subjective et la mémoire cosmique ou spirituelle doit être totalement renversée pour que vous puissiez, vous, demain, en tant qu'individu, continuer les exigences de l'évolution, c'est-à-dire projeter par la parole dans le temps l'inévitabilité de votre propre intelligence. Parce que moi, en tant qu'homme, je ne peux pas parler de tout, puisque parler est un mouvement linéaire de la conscience. Alors, il y a plusieurs hommes, des milliers d'hommes qui doivent parler de différentes choses. Certains parleront de la plante, d'autres parleront du corps matériel, d'autres parleront du psychisme, d'autres parleront de l'atome, d'autres parleront de l'astronomie, d'autres parleront de ci ou de ça. Moi, je parle d'une chose. D'autres hommes parleront de d'autres choses. Donc, si vous n'avez pas, ces hommes, la conscience de l'inévitabilité de votre intelligence, vous ne pourrez jamais parler, donc vous ne pourrez jamais construire, donc vous ne pourrez jamais appartenir à cette nouvelle civilisation qui fait partie de l'homme de demain. Donc, c'est à chacun individuellement de vivre le processus de l'évolution et de subir le choc créé par l'inévitabilité de mon intelligence contre la permanence de votre mémoire cosmique et planétaire. Mais un jour, lorsque le travail aura été suffisant, il faudra que vous-même, et ceci se produira dans vos vies actives, créatives, lorsque vous serez sur le podium, lorsque vous serez à l'école, lorsque vous serez à l'université ou dans une sorte d'université, lorsque vous serez devant la masse de l'homme, c'est à ce moment-là que vous serez obligé de prendre conscience de l'inévitabilité de votre intelligence. C'est à ce moment-là que vous serez enchaîné dans le mouvement nouveau de l'évolution, autrement dit, impliqué dedans. Donc, à chaque homme, la capacité de vivre le choc qui désintoxique de la mémoire cosmique et planétaire, à chaque homme de vivre le choc qui désintoxique de la pellicule ou qui élimine la pellicule qui crée la mystification de la conscience, à chaque homme de réaliser que l'impossible devient possible, à chaque homme de réaliser que l'impossible est la réalité, à chaque homme de réaliser que l'impossible est la dimensionnalité, la qualité de la dimensionnalité qui a créé les mondes sidéraux que nous connaissons et que nous habitons aujourd'hui dans notre région du globe. Mais pourquoi nous pensons, pourquoi nous convenons à l'impossible? Pourquoi nous avons une difficulté de réaliser l'impossible, de penser impossiblement? C'est parce que nous avons trop de mémoire. C'est notre mémoire qui nous empêche de penser impossiblement. Toujours notre mémoire, qu'elle soit planétaire ou cosmique. Et je vous en donne une perception. Si vous lisez après m'avoir connu des livres, vous verrez qu'en vous, il y a une petite vibration. Autant auparavant, vous lisiez les livres et ces livres faisaient partie de votre stock de mémoire, autant aujourd'hui, vous les regardez, mais ça n'entre pas comme avant. Hein? Ça n'entre pas comme avant. Vous avez même des petites opinions personnelles. Vous avez même des petites idées personnelles. Ça fait partie de l'inévitabilité de l'intelligence. Et un jour, inévitablement, cette énergie sera tellement présente en vous que vous regarderez les livres, vous serez obligé de les réécrire. Parce que tous les livres qui existent aujourd'hui sur la Terre ont été écrits soit par le biais de la mémoire planétaire ou soit par le biais de la mémoire cosmique. Donc, l'homme nouveau, l'homme de demain, l'homme qui a vécu ou qui a connu la synthèse du cosmique et du planétaire, lorsqu'il entre en contact avec ces littératures, même si ce sont de très belles littératures, il est obligé de les réécrire. Autrement dit, il est obligé de les reparler. Parce qu'elles ne conviennent pas, ces littératures, à l'homme interplanétaire. Elles conviennent à l'homme cosmique ou à l'homme planétaire. Et elles font partie de l'évolution. C'est pour ça que je dis, l'homme n'a rien à apprendre. Mais tant que l'homme apprend, effectivement, il se sert de ses littératures pour meubler son esprit et ajuster son émotion à son esprit nouveau. Mais ceci ne lui apporte pas l'inévitabilité de l'intelligence. Donc, il n'est pas capable de détruire ce qu'il a su. Il n'est pas capable de détruire la mémoire cosmique ou planétaire de ce qu'il a reçu. Donc, il est prisonnier d'une impression. Et tant que l'homme est prisonnier d'une impression, il n'est pas capable d'en créer. Et l'homme réalisera un jour que créer, que ce soit par la parole, que ce soit par d'autres moyens, veut dire créer une impression. Et un jour, l'homme réalisera que la Terre, le système solaire, tout ce qui nous entoure, est fait d'énergie, d'impression. Ce sont des impressions. Et si vous regardez l'atome, ceux qui se spécialisent dans le domaine de la science, si vous regardez le passage de l'atome, vous verrez que c'est simplement une impression. Une impression très, très matérielle. Une impression. L'atome ne laisse qu'une trace sur l'oscilloscope. C'est pour ça que les scientifiques ont de la difficulté à savoir si la lumière elle est corpusculaire ou si elle est ondulatoire. Elle est beaucoup plus ondulatoire que corpusculaire. Parce que l'ondulation est beaucoup plus près de l'impression que le corpusculaire. Donc, tout est impression. Il y a des hommes dans le cosmos qui se servent de l'énergie et qui créent des impressions. Et les impressions qu'ils créent deviennent, une fois matérialisées, des systèmes extrêmement complexes. Mais tout part de l'intelligence. Autrement dit, tout part de la capacité de l'homme de pouvoir inévitablement déchirer le voile de la mémoire cosmique ou de la mémoire planétaire. Tant qu'il n'est pas capable de faire ceci, tant que l'homme n'est pas capable de déchirer le voile de quoi que ce soit qui est issu sur sa planète, il est prisonnier d'une mémoire quelconque. La moindre chose, la plus sacrée, la plus extraordinaire, la plus abstraite, le temps, l'espace. Tant que l'homme n'est pas capable de déchirer le voile du temps et de l'espace, il ne peut pas comprendre ce que c'est. Et quoi? Qu'est-ce qui peut déchirer le voile du temps ou de l'espace? Qu'est-ce qui peut expliquer l'espace? Qu'est-ce qui peut expliquer le temps? Si ce n'est que l'énergie dont est fait le temps et l'espace. Ce n'est pas la forme qui a été créé par l'énergie pendant que l'homme était encore au stade de la mentation subjective et au stade du développement psychologique et au stade de la perception sensorielle et astrale. Donc, au cours des mois, des années, je vais mettre du matériel à votre portée. Habituez-vous à accepter, pas dans un sens de croire, il ne faut pas croire, mais accepter à absorber, à soutenir le poids de ce que je vous dirai. Si vous êtes capable de soutenir le poids de ce que je vous dis, automatiquement, vous en arriverez éventuellement à faire la synthèse du cosmique et du planétaire. Mais si vous n'êtes pas capable de supporter sur vos épaules émotionnelles et sur vos épaules mentales le poids de ce que je vous dis dans les années à venir, évidemment, vous reviendrez à la mémoire cosmique ou vous reviendrez à la mémoire planétaire et vous vous couperez complètement de cette énergie et vous n'aurez jamais accès à l'inévitabilité de votre intelligence. Donc, vous ne serez jamais capable de supporter le poids, le fardeau du vide et vous ne serez pas capable éventuellement de connaître et de réaliser l'imposante réalité du passage de l'homme à l'éther. Je ne veux pas vous parler pour vous faire plaisir. Je dois vous parler pour faire de l'instruction. C'est mon travail. Mais d'un autre côté, il ne faut pas croire ce que je vous dis. Parce que tout ce que je vous dis, je vais le faire. Parce que ce qui reste après ce qui a été dit, c'est l'énergie et non l'impression. Et c'est de l'énergie demain que vous vivrez créativement et non de l'impression. C'est de l'énergie demain que vous vivrez et non de la forme. Si vous vous attachez à ce que je vous dis, je le déferai simplement pour vous vexer, pour vous faire réaliser que ce que nous appelons de l'intelligence n'est pas un phénomène humain, dans le sens que ce n'est pas un phénomène qui s'extériorise psychologiquement en fonction de l'émotivité et de la mentation humaine, que le phénomène d'intelligence est un phénomène d'énergisation qui permet à l'énergie de se rendre compte d'elle-même. Alors, l'énergie qui se rend compte d'elle-même lorsqu'elle est parfaitement organisée, c'est l'homme.